Par rapport à la cupidité, donc vous disiez que c'était les plus riches qui en avaient le plus. Enfin, moi, pour constater des personnes qui sont dans une autre situation, je trouve qu'elles admirent trop les plus riches, que ce soit dans les médias, dans les journaux, ils sont toujours en train de regarder, et comme si c'était une fatalité, au lieu de regarder pourquoi ils ont autant d'argent, ils les admirent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que la cupidité des gens les plus riches, c'est parce qu'ils sont nés dans le pouvoir avec une cuillère d'argent dans la bouche et qu'ils sont sûrs de leur pouvoir. Donc, ils peuvent faire n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Enfin, dans l'éducation, hein, je parle. Oui. Sur cette question de la cupidité, je ne suis pas certain que la richesse favorise en soi la cupidité. On a des contre-exemples parfois. C'est pas forcément le fait d'être riche ou de naître dans des situations, disons, de bien-être matériel important qui produisent forcément la cupidité. Et vous avez au contraire, alors c'est la figure un peu des nouveaux riches, quand vous regardez le passage de l'économie soviétique à la dislocation de l'URSS avec la mainmise des groupes mafieux, aujourd'hui on estime que, d'après les recherches internationales, que peut-être 40% ou la moitié de l'économie russe est gérée en sous-main par des groupes mafieux. C'est colossal, si vous voulez. Et c'est des personnes qui, pendant très longtemps, c'est un endroit où, pendant très longtemps, l'enrichissement était impossible. Vous voyez ? Donc on est passé presque sans transition du communisme soviétique à la sauce soviétique à la mainmise de l'enrichissement sans limite, sans mesure et mafieux. Donc, ce n'est pas forcément une question liée à la richesse, mais c'est une question, à mon avis, beaucoup plus liée à quelque chose qui est de l'ordre du déterminant culturel. D'une forme d'air du temps, c'est difficile de les décrire autrement, mais qui est en quelque sorte la pression culturelle qu'on va mettre sur l'argent et l'enrichissement. Vous avez des sociétés riches qui peuvent mettre très peu de pression culturelle sur cet aspect-là, qui considèrent que les voies de réalisation passent par d'autres biais. Je pense que la Norvège est assez riche, je pense que la Suisse aussi. Pourtant, ce n'est pas des pays où la corruption est endémique. Et vous avez à l'inverse des pays plus pauvres, où, par contre, la cupidité va traverser un peu tous les étages de la société et produire des schémas de corruption généralisés. Ce qu'on a vu, par exemple, avec le printemps arabe, ce qui a été le cas de l'Égypte, de la Tunisie, où on voyait qu'il y avait un véritable problème dans toutes les classes dirigeantes, qui traversaient très très largement ces classes dirigeantes, de cupidité. Le tout dans des sociétés plutôt pauvres. J'avais cru comprendre dans ce qui était exposé que la cupidité était plus chez les riches, c'est ça que j'ai compris. Cette étude suggérait effectivement que la raison des comportements non éthiques chez les classes les plus riches provenait d'une plus grande appétence à la cupidité. Une plus grande tolérance à la cupidité. Elle n'est pas de maintenant, elle date, elle est très. Tout à fait. On a plein de textes. Mais on peut dire que, en quelque sorte, s'il y avait un indicateur du niveau de cupidité au sein des populations, on pourrait dire que dans les sociétés occidentales contemporaines, peut-être que ce niveau de cupidité est plus grand qu'il n'a jamais été dans l'histoire de nos sociétés. Peut-être, hein. C'est une simple supposition. Je voudrais savoir si vous ne pensez pas qu'il y a un entre-soi des corrompus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des courants tels que le pantouflage, il y a des systèmes quand même, vu l'aggravation de l'écart entre les riches et les pauvres, il y a vraiment un entre-soi des corrompus. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des systèmes autoritaires? Puisque là, la norme morale ne suffit pas, n'existe plus d'ailleurs. Il n'y a plus de norme morale, vous l'avez dit, sur le surinvestissement de la valeur de l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas être absolument rigoureux et ne plus employer le terme d'abus de bien social, mais bien de corruption, le punir et par exemple interdire le pantouflage, par exemple. Ça serait une très grande mesure. Interdire aux énarques de quitter la fonction publique en les rémunérant en conséquence, en trouvant des contreparties. Mais oui. Il y a une classe sociale de la corruption, à mon avis. Et deuxième point, est-ce que vous avez étudié le rôle que jouent les médias dans la banalisation et la perte de vigilance, voire la mise en spectacle, la valorisation d'un type comme Tapie, d'un type comme l'ancien directeur de la SNCF qui accepte de renoncer à sa retraite chapeau et qui rentre par une autre fenêtre et se vote 200 000 euros ou des sommes formidables en retraite annuelle. Est-ce que vous avez étudié ce rôle des médias et l'implication entre les médias et cette société des corrompus ? Alors, sur vos deux axes, le premier, c'est sur l'exemple du pantouflage, par exemple. La notion, d'ailleurs, que je préfère dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle les « revolving doors », c'est-à-dire c'est les portes tournantes. Ce n'est pas seulement le pantouflage le problème, c'est le fait que vous passez du privé au public, privé, public, et vous savez qu'en réalité, quand vous appartenez au public, par exemple, le premier employeur de l'inspection générale des finances, les énarques qui sortent dans la botte, dans les premiers, c'est les sociétés privées, et notamment les banques. Donc quand vous êtes tour à tour dans votre carrière, régulateur, contrôleur, puis banquier d'affaires, etc., puis à nouveau contrôleur, régulateur, on peut se demander si vous contrôlez bien votre futur employeur, votre ancien employeur. Vous voyez, ça pose des vraies questions. Et effectivement, c'est un problème qui est sous-identifié comme étant un problème, qu'on considère très peu comme étant un problème et qui en est un réel. Aux États-Unis, on le voit d'ailleurs très fortement. C'est-à-dire que ces carrières, notamment lobbyistes, collaborateurs parlementaires, dans des positions influentes dans les grandes sociétés, tout ça se mélange et produit une forme de systémique d'une corruption de basse intensité, si on peut l'appeler comme ça, qui n'est pas réellement forcément de la corruption au sens pénal, ou qui ne pourra pas en tout cas toujours être identifiée comme étant de la corruption relevant du droit pénal, mais qui a une influence décisive sur un grand nombre de décisions censé intervenir pour l'intérêt collectif et détourne cet intérêt collectif au profit de petits jeux individuels ou des jeux d'acteurs institutionnels. Donc ça c'est une réalité et vous avez raison de le souligner. Sur l'influence des médias, sur les affaires de corruption, moi ce que je vois en suivant beaucoup cet aspect-là, je voudrais quand même tirer mon chapeau à un certain nombre de médias qui font bien leur travail, qui font sortir un certain nombre de faits, d'affaires de corruption, qui en parlent, qui publient souvent une ces aspects-là, qui creusent ces révélations, qui montrent l'aspect parfois systémique sur certaines sociétés, par rapport à certains hommes ou femmes politiques et autres. Le problème, c'est que si vous voulez, effectivement, ça se donne un peu en spectacle, effectivement, il y a un aspect fracassant, effectivement, il y a un aspect un peu redondant et une forme de banalisation qui s'ensuit. Le problème n'est pas tant que les médias ne joueraient pas leur rôle par rapport à cette question-là, à mon avis, hein, si vous voulez, mon simple avis personnel, mais c'est que, quelque part, vous avez un rôle qui est parfois joué, bien joué par les médias, mais qui n'a pas de conséquences. C'est-à-dire que ce n'est pas repris, ça ne se traduit pas par des changements législatifs, il n'y a pas de travail, par exemple, entre les médias et les chercheurs, ou pas assez suffisamment de pont entre les médias et les chercheurs, ce qui fait que ce que nous, on pourrait identifier comme étant des schémas qui se répètent, ça va toujours être traité sous l'angle de l'anecdote, du spectaculaire, et en mettant en exergue des personnes. Alors c'est un coup M. Tapie, un coup M. Balkany, un coup etc. Mais finalement, ce n'est pas la question de Balkany, Tapie, Dassault, etc. Ce n'est pas ça la question. C'est au fond le schéma de corruption, les schémas qui continuent d'exister, quels que soient les hommes qui sont aux devantures de l'histoire du jour. Vous voyez, comment se fait-il que ces schémas-là puissent se reproduire, continuer à exister, puissent traverser même les générations politiques, traverser les femmes et les hommes passent, les systèmes demeurent et s'amplifient. Pourquoi ? Et cette réflexion de fond, nous ne l'avons pas. Elle n'a pas lieu, elle n'existe pas. Et je vais vous dire, le problème, à mon avis aussi, c'est qu'il n'y a aucun cénacle pour avoir cette réflexion de fond. Oui, dans ce domaine-là, et dans l'entre-soi des corrompus, je veux dire, comment peut-on demander la remise en question des pouvoirs et des contre-pouvoirs, donc les partis politiques, le monde associatif, etc. Et quand on fait une analyse, par exemple, de sociologique des fauteuils de l'Assemblée nationale, comment peut-on demander à ce monde-là de se remettre lui-même en question? Il faut vraiment un élément extérieur pour qu'ils acceptent ça. Ça ne peut pas venir d'eux-mêmes. Le cancer ne peut pas générer lui-même les moyens de son combat, de se combattre. Oui, c'est, vous soulignez un problème de fond qui était déjà en fait souligné par Sutherland dès 1941. Il disait comment on peut attendre finalement de ces criminels en col blanc qui occupent toutes les fonctions de pouvoir, d'ailleurs pas seulement dans la politique, mais aussi dans l'entreprise, dans la vie économique et sociale en général, de réformer leurs propres pratiques. Eux-mêmes vont vous dire, c'est simple, chaque fois la réponse, elle va être la suivante. C'est, il y a quelques pommes pourries, et vous inquiétez pas, on a mis en place un système d'autorégulation où la profession va faire le tri entre un système fondamentalement sain et quelques pommes pourries qu'il faudra écarter. Et vous allez avoir des personnes qui vont servir de bouc émissaire, clairement. Et pour que le système continue de fonctionner. Et ça c'est un problème effectivement colossal. Ouais. Et ce qui implique, à mon avis, hein, si on peut trouver une forme de réponse au problème que vous soulevez, qui implique à mon sens que s'il n'y a pas de forte pression de la société civile pour faire évoluer les règles, pour changer le fond, alors vous avez une formidable inertie d'un système politique qui ressemble parfois au Titanic. Enfin, je veux dire, les résultats, que si on les synthétise et quand on les présente comme ça les uns à la suite des autres de ces études d'opinion, traduisent quand même un climat assez inquiétant, une dérive assez inquiétante de notre système politique. Eh bien, malgré tout, ça ne suscite pas de forme de réaction interne, de mouvement interne, notamment chez les dirigeants politiques, pour dire effectivement il y a un problème, allons-y, il faut changer. Vous avez quelques initiatives isolées, clairement. Vous avez quelques députés, sénateurs qui se saisissent de ces questions-là en permanence, qui essaient de faire avancer les choses. Ils sont à tel point isolés que c'est même très étonnant quand on regarde les choses de l'extérieur. Oui, alors c'était justement de ce point-là que je voulais parler. Moi, je crois que c'est la réprobation sociale qui manque. Il y a bien une réprobation sociale, mais elle n'est pas formalisée, elle n'est pas organisée, elle n'est pas structurée, et je crois quand même qu'elle est très très mal reprise par la presse. Ouais. Avec quelques exceptions, on est bien d'accord, il y a des affaires qui sortent, mais c'est épisodique, c'est souvent, comme on l'a dit, traité sous l'angle de comment dire, un peu pittoresque, un peu voilà, du spectacle, mais pas, ça ne débouche jamais vers un message clair, massif, puissant de la société civile. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, la société civile, parce qu'on sait pas trop ce que c'est. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de message adressé aux politiques qui soit vraiment percutant. Alors, le message, il y en a un. Ce qu'on voit partout, c'est l'abstention. Mais c'est un message complètement. Alors c'est l'abstention et le vote FN. C'est ce que vous disiez. On arrive à un point où on a l'impression que on est un peu en train de récolter ce qui a été semé au cours des années et des décennies précédentes. On arrive vraiment le nez dessus là, la récolte, elle est plutôt embarrassante, cette récolte là, mais voilà, elle porte pas, elle ne réussit pas à mettre en mouvement les choses, et on sent bien à travers pour moi l'intérêt de votre exposé, un des intérêts, il y avait beaucoup de choses, mais c'est un peu ce jeu de miroir qu'il y a entre une société qui est peut-être tantôt médusée, indifférente, tétanisée, mais en tout cas qui répond pas, et puis des corrompus, et puis des gens dont on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont corrompus, pas corrompus, parce qu'il y a des attitudes qui sont tellement limites que... Mais l'exemple vient quand même de loin, à commencer par les grands dirigeants. Je veux dire, quand on voit, on parlait de Clinton, qui fait l'année où il quitte le pouvoir, d'après ce que j'en ai entendu, gagne autant d'argent que tout ce qu'il a gagné auparavant, on se doute bien que ce n'est pas de l'argent qui vient uniquement de ses mérites ou d'un certain génie qui lui serait tombé sur l'épaule, mais ça rétribue autre chose. De la même manière pour Sarkozy allant donner ses conférences dans des facultés. On se doute bien que ces gens-là, à 100 et quelques mille, je ne sais plus combien, hein, 150 000 ou 120 000 euros, ils ne rémunèrent pas une prestation dont tout le monde se doute qu'elle n'est quand même pas fondamentalement intéressante et passionnante. Hein. C'est Gerhard Schröder chez Gazprom. D'ailleurs, c'est Tony Blair dans une multitude d'institutions, c'est-à-dire que ce sont vraiment les têtes de nos pays. Oui. Là, on est, enfin pour moi, dans l'effarement. Oui. Dans l'effarement. Et il y a cet affaiblissement de la norme sociale qui doit vraiment nous poser question. Parce que quand on voit ce qui peut être accepté aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses qui passent dans le flot de l'actualité aujourd'hui qui auraient fait des scandales dans les années 60. Et tout ça, c'est pas pour dire que dans les années 60, c'était une merveille. Il y avait évidemment de la corruption. Mais il y avait une réactivité sociale, il y avait une réaction sociale qui était quand même très, très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors, je voulais dire aussi un autre point, c'est que nos politiques s'entendent très bien aussi pour se mettre un peu hors de portée, à tous les niveaux. Moi, je suis dans une communauté d'agglomération. C'est la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, la CAMI, qui doit faire 100 et quelques mille habitants, 120 000, quelque chose comme ça. On va nous basculer dans une communauté d'agglomération de 400 000 habitants qui tombe parachutée comme ça. Là, on sent bien que là, la proximité entre le citoyen et les élus, elle en prend un coup. Parce que 400 000, alors que la loi, paraît-il, imposait... Enfin, un seuil mini de 200 000. Donc ça aurait pu être beaucoup moins. Je cite cet exemple parce que c'est pour ce qui me concerne, moi, et pas si loin d'ici, et pas si loin que ça d'ici. C'est un des derniers épisodes en date. Mais il y a tout ce mouvement où les politiques, finalement, se coupent, s'isolent, sans doute délibérément, de plus en plus du citoyen. C'est un mouvement qui continue et qui, là, est un mouvement... administratif, technique, tout ce qu'on veut. On peut pas lui reprocher d'être illégal, mais bon. Oui. Alors, beaucoup d'éléments dans votre intervention. Je vais essayer d'en retenir quelques-uns, et je suis assez d'accord sur le fond. Hein. Première chose, c'est la réaction sociale. C'est vrai que ça, si vous voulez, c'est un mot qui parle... comment dire, aux chercheurs que je suis, en criminologie, on considère traditionnellement que c'est de l'ampleur de la réaction sociale que va découler à un moment la définition ou non d'un problème criminel. C'est-à-dire, c'est ce qui influe directement sur la définition de la norme. L'absence ou la quasi-absence ou l'insuffisance de la réaction sociale en matière de crime en col blanc, du fait notamment de cette notion de victime. Traditionnellement, si vous voulez, pour être une victime, il faut souffrir directement et personnellement d'une infraction. Or, qui peut dire qu'il souffre directement, personnellement, de corruption ? Vous voyez ? C'est délicat. Ça se trouve. Hein. C'est-à-dire que si on cherche, on peut trouver effectivement des victimes directes. Mais la plupart des victimes, l'infraction est sans doute... la corruption est, pardon, sans doute l'infraction qui fait le plus de victimes, puisqu'on est tous collectivement, en quelque sorte, victimes de ce type d'infraction. Mais la plupart des victimes sont indirectes. Ceci se traduit par une réaction sociale qui est souvent insuffisante, et ceci se traduit par une définition criminelle qui est elle-même insuffisante, une réaction du système pénal qui est elle-même très insuffisante. Donc c'est vrai que déjà d'agir sur cet aspect-là, faire monter la réaction sociale sur ces questions-là, c'est en quelque sorte contribuer à se saisir, à faire en sorte que le système pénal puisse se saisir de cette question. Ça, c'est une voie aussi intéressante, importante, d'action par rapport à ces problèmes criminels considérables. Un deuxième aspect dans votre question, vous parliez de cet exemple, moi, qui m'intéresse beaucoup, ces conférences rémunérées dans le monde entier. C'est vrai que quand un ancien président de la République, qui est en plus probable candidat à sa réélection prochaine, fait des conférences rémunérées, ces sommes astronomiques d'une heure, hein, à l'heure, je crois, pour des banques du Qatar, cela pose quelques questions quant à la perméabilité de la décision publique qui pourra être prise par rapport à des pays comme le Qatar dans les années à venir, voire qui ont déjà été prises. Puisque vous savez que les Qataris ont un régime d'investissement en France tout à fait dérogatoire au droit commun. C'est intéressant. On pourrait établir des liens. Est-ce que ces liens, même s'ils sont indirects, même s'ils sont pas, même si on peut pas ramener de preuves d'une entente particulière, etc. Est-ce que ces liens-là, ils ne traduisent pas déjà une forme de corruption de la décision publique ? Je ne parle pas des acteurs qui sont intervenus, mais une forme de corruption de la décision publique en faveur d'intérêts particuliers. plus qu'en faveur de l'intérêt général. Je pense que cette question-là, elle se pose, et elle mérite en tout cas d'être posée un peu plus que ça. Et ça montre aussi les difficultés que nous avons à appréhender ces formes aussi sans cesse nouvelles, sans cesse plus imaginatives de corruption. Je vous donne un autre exemple, mais vous avez de manière très classique, dans tous les schémas de corruption, vous avez des systèmes sophistiqués, de plus en plus sophistiqués, qui sont utilisés pour maquiller en réalité la réalité du criminel du schéma. Si vous faites croire que quand vous recevez des sommes colossales venant de l'étranger, que vous avez vendu des tableaux, par exemple, je vais dire, vous pouvez dire, mais non, j'ai vendu des tableaux, c'est pas une infraction. Ok, arrêtez-moi pour non-déclaration de tableaux vendus à l'étranger. Ce qui est une infraction ridicule où vous allez même pas aller devant le tribunal pour ça. Et on trouvera une transaction, on vous rappellera à la loi, et puis surtout ne le refaites pas. Hein. Et puis voilà. Donc, c'est des schémas qui sont utilisés et qui permettent souvent d'échapper à la punition et d'échapper au système pénal. Et la variété, l'imaginativité, si on peut le dire comme ça, l'imagination qui est déployée pour ces schémas-là, elle est sans cesse surprenante. Sans cesse renouvelé. Et si vous voulez, c'était le juge espagnol Baltasar Garzón qui disait que la justice financière, la lutte dans sa lutte contre la corruption et ses infractions en col blanc, eh bien, c'est la lutte de l'éléphant contre le léopard. Vous avez un système pénal qui est très puissant, qui peut faire des perquisitions, qui peut faire des mandats d'arrêt, qui peut aller fouiller les détails intimes de la vie des individus, mais qui intervient qui est très lourd, qui est très difficile à se mettre en œuvre et qui intervient souvent avec retard, tandis que le léopard est déjà passé par d'autres voies, c'est enfui opportunément à l'étranger. Vous voyez ? Donc c'est une justice qui fondamentalement, comment dire, les grands axes de la justice pénale aujourd'hui, classique, sont totalement inadaptés à la réalité criminelle qui est celle contemporaine, la plus flagrante du monde contemporain. Cette criminalité transnationale, cette criminalité en col blanc, qui du coup trouve une aisance considérable pour se déployer dans tous les interstices de la vie sociale. Et moi, je considère dans mes propres recherches, c'est une hypothèse de travail que je mets en avant, que tout le droit anticorruption, le système pénal anticorruption, sert en quelque sorte à essayer de garantir la frontière qui est une frontière consubstantielle de la démocratie, entre l'intérêt public et les intérêts privés. Et qu'en quelque sorte, vous avez comme ça une série de traits qui sont, autant de briques sur un mur pour essayer d'étanchéifier le passage entre les deux. Mais vous apercevez que ce mur-là, pour étanchéifier la séparation entre public et privé, en fait, c'est un mur qui tombe en ruine. Et que le droit pénal, d'ailleurs, vous n'avez que des morceaux de mur avec des gigantesques trous au milieu. C'est pire qu'un gruyère, vous voyez. Et donc, ceci n'était pas forcément un problème tant qu'il y avait à l'intérieur des comportements individuels, si vous voulez, à l'intérieur des consciences, des formes de résistance morale ou éthique à se livrer à cette confusion entre public et privé. Si les frontières morales tombent, il ne reste plus que le système pénal et vous avez un gruyère. Et c'est ce à quoi on assiste. Les gens ne sont nullement plus criminels ou plus amoraux qu'avant, si vous voulez. Mais tout simplement, l'air du temps a changé. Ce qui pousse ces comportements-là est peut-être plus fort. Et vous n'avez comme seul outil de résistance que ce droit pénal, qui est un véritable gruyère pour étanchéifier cette frontière.